Ça viendrait un bien de coin criminalisé. État des lieux tout pour mieux, bande organisée. En détente, reggaeton mais formalisé. Faut du temps et des tonnes pour normaliser. Un mi-tonne, un mi-stone, c'est légalisé. Honnête homme, rien n'étonne et létalisé. Des millions balisés, géolocalisés. Faut totaliser, tous focaliser. Bien jaloux, c'est tant pis si ça fait du bien. Pas jaloux, c'est tant mieux si ça fait du gain. Personne tend la main, laisse-la dans la poche. RM demain, on pleura dans la Porsche. Robin, trop loin, peu d'amélioration. Grand bain, gros gain, grosse accélération. Épique, réplique, jamais de figuration. Équipe, éthique, fuck fédération. La favela est éminée sa race. Un décalage, ça peut te fumer, tcha race. Un démarrage, elle a crié sa race. On a fini rabat avec du chef ralas. Il ne passe pas, il n'est pas. Il ne compte pas, s'il n'est pas. Tu me crois pas, suis-moi pas. Tout le temps le même message. Se vider la cabé, ça. En fait, ça ou un message. Sa grand-mère les mappés, ça. Tous les jours les mêmes débats. Tout le monde le même état. Tous les jours les mêmes dégâts. Grosse coupure, haute couture, frère fait peinture. Grosse pointure pour les heures, serrage de ceinture. A la bien, à la dark, amitié la dame. Ouais c'est dead, ouais la dinde, ouais qu'on a la dalle. C'est l'école, la déconne, aucun état d'âme. C'est l'époque, ça les porte sur le macadam. On récolte ce qu'on sème, pas d'histoire, pas de drame. Samedi soir c'est les codes, amène pas d'armes. Monde fou, notre fer, nous c'est notre sphère. Faut que le prix rend nous fiers, nous t'es notre frère. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, à part nous fuir ou nous faire, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Robin, trop loin, peu d'amélioration. Grand bain, gros gain, grosse accélération. Épique, réplique, jamais de figuration. Équipe, éthique, fuck fédération. La favela est éminée sa race. Un décalage, ça peut te fumer, tcha race. Un démarrage, elle a crié sa race. On a fini rabat avec du chef ralas. Il ne passe pas, il n'est pas. Il ne compte pas, s'il n'est pas. Tu me crois pas, suis-moi pas. Tout le temps le même message. Se vider la cabée.